trop y penser, mais on sait qu'il va arriver le jour du jugement dernier. On fera le compte de notre vie et on devra l'assumer le jour du jugement dernier. Pour chaque bonne action, un ticket pour le paradis. Pour chacune des trahisons, un pont pour l'enfer. Et si le compte n'est pas clair, ce sera le purgatoire, le jour du jugement dernier. Dieu m'a uni à ma femme pour l'éternité, avant le jour du jugement dernier. Et je me demande bien ce qu'il va se passer le jour du jugement dernier. Si on ne s'en va pas ensemble, comment savoir où nous caser, puisqu'on ne peut pas être séparés. On devra bien s'attendre quelque part le jour dernier. Va-t-elle alors me tirer au ciel, ou vais-je l'entraîner en enfer le jour du jugement dernier? À moins qu'on se retrouve à deux dans le purgatoire le jour du jugement dernier. Mais le purgatoire, ce n'est pas pour l'éternité. Tout ça me paraît un peu alambiqué. Je crois qu'on m'a raconté des salades sur le jour du jugement dernier. Je pense qu'il ne va juste rien se passer, que tout va simplement s'arrêter, s'arrêter pour de bon, pour l'éternité, le jour du jugement dernier. Tout va juste s'arrêter.